qu'est-ce qui me reste? Ma rage, mon rap, mon art du rap, l'aura qui s'y screw. Crack, poseur de bombes, beat au compte-goutte, ma visée. Soldat de la reine, fois mon rap, ma reine, à ceux qui disent des mots en rap. La ramenez pas quand je mène, qu'est-ce qui me reste? Peu d'actes bons pour le paradis, c'est là que je traîne, et là que gèle, nos rames sales, les bars stack sans rêve reste. Ma couleur mal aimée, l'islam sage blâmé, amalgame et le sport d'un million d'âmes déversées. Qu'est-ce qui me reste? Famille et sœurs à aimer, un frère aîné, l'espoir de voir des anges nous mener, plus de sale guerre à mener. Comment mène? Défendre mon sang amène, ma foi une mine animée, ranimée du monde des aveugles, tous nos âmes s'allient, alliés. Un million de gosses morts, je les pleure tous, pas qu'un. Mets le paquet sur les larmes, frère, quand c'est tout ce qui reste, hein. Une date, et je te montrerai que ce monde ringard flambe. Les lampes spots deviennent potes des cierges. Le rap, un rap avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes, le parchemin avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin, le parchemin, le parchemin. Ma casque et ma resta, mon sang pour les prestas. Protesta, mon testament contre leur vesta. La vestaxe pour la parade me change d'axe. Autre homme taxe, alors je lève mes rimes. Mon entraxe, je faxe ma réponse. Pense qu'ils osent énoncer sur les sons des troussés. Leur énoncé parle de valeur d'esprit. Mais leurs cris sont proscrits et ils continuent. Leur patrie s'est meurtrie. Mais qu'est-ce qui me restait? Mon bloc et mon stylo, ma pointe pleure et transpire mon culot contre leur enclos. Cloné sont leurs arguments et déconnectés. Et les sentences verbales se suivent, mais sont détectées. Mais qu'est-ce que pour me démunir, je ne suis pas juge innocent. Car je suis là pour punir et me munir. La force trop vite et d'utopie à coup de. On réveille les assoupis. On sera avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin. Qu'est-ce qui me reste? Mon stylo oscillant, ustensile insolent. Puis là on veut que tout change, mais ici l'urgent est trop lent. Sinon si l'acte social sec s'entaque pour le décès. Entasse les sacs de liasses ailleurs, stocke les blessés. Ma famille, mon dieu, mon fort, tout pis mon rap, ma vie. Qu'est-ce qui me reste? Mon honneur, mes potes, mes frères, J.I.P. Ce qui reste, bordel, suite pirate, tacite, complice au mic, depuis. J'apprends des tripes, mes larmes, mic thérapie. Un rap pour une âme, rap pour comprendre que je suis vraiment comme une galette posée sur une table. Médite avant de prendre, je puise ma force dans mes mains vides. Ma dignité, mon livre, soldat, cette guerre, je livre. Seigneur, mes troupes sont libres, plus le temps de courir. Les marches sont hautes d'espoir, la courte échelle, comme ça que je reconnais les potes d'un soir. Regard est plus le même, les mots sonnent faux, c'est l'opportuniste. Les miens savent pour un ami, changerai pas de tunique. Ma casque me resta, mon âme ma fenesta. Mon trafic d'influence et mon karma qui se manifesta. Pour pallier aux rumeurs, on assèche la rumeur. Notre quête, la pureté, l'avortement, notre humeur. Mais dans quelle époque avait-on, celle de quand dira-t-on? Ma mère est suffit de radoter dans les cantons. Et j'en sais que c'est dur de résister au côté obscur. Mais bon, c'est mal, qu'à ça la procure. Mais qu'est-ce qui me reste? Mes amis et ma fierté ne changent pas d'avis suivant l'acteur édité et édite donc. Laisse mes proches et mon entourage, même si vouloir nous nuire prouve ton courage. Et quand je pense que certains se disent dangereux alors que nous sommes tous des fous, des guerriers valeureux représentant 34, 38, sans nul d'autre penser pour les gouverner. On sera avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin avec notre sang, notre son. Tout piqué, n'appelez lâche et leur rang. On sera avec notre âme, même s'il n'y a plus rien. Nos rimes, nos larmes. Le parchemin. On fera avec Tacite, Pirate, Toupie, Ironson, LGIP, Soldat, La Vérité.